Chapitre 43e. L'institutrice de Madame D'Air. Quel tintamarre on fait à la manufacture, annonçait Cyril au dîner du Clos de Poméranie le lundi soir. À propos de quoi? Demanda M. D'Air. À propos d'une somme qui a disparu ou d'un billet, ce qui revient au même. Pas tout à fait, dit M. D'Air, à moins qu'il n'ait été encaissé. Je veux dire quant au bruit, reprit Cyril. On fait autant d'histoires que s'il s'agissait d'un lingot d'or. C'était un billet d'Edens que le patron avait mis dans son secrétaire ou qu'il dit y avoir mis. Quand il est venu le chercher, le billet était parti. Qui l'a pris? Qu'est-ce que j'en sais? C'est justement ce que nous voulons savoir. Quelle en était la valeur? 300 francs. Ashley fait des scènes et prétend que ce n'est pas la perte même qui l'ennuie, mais la pensée que nous avons parmi nous un voleur. Ne parle pas si légèrement de l'argent, fit M. D'Air avec un ton de reproche. 300 francs ne sont pas si faciles à gagner qu'il soit agréable de les perdre. Je n'ai pas l'intention de parler dédaigneusement de l'argent, répliqua Cyril d'un ton bourru. Vous me tenez trop serré, mon père, pour que je n'en connaisse pas la valeur. Mais 300 francs ne sont pas une affaire pour M. Ashley. Si je te tiens serré, toi et tes frères, c'est que j'y suis forcé par vos extravagances, répondit M. D'Air d'un ton sec. Un silence désagréable suivit. Quand un père de famille annonce que ses ressources diminuent, cette nouvelle n'a rien de plaisant. Les jeunes d'Air avaient souvent entendu leur père se plaindre sous ce rapport. Adélaïde rompit le silence. Comment le billet a-t-il été pris? C'est un billet apporté le samedi soir par un ouvrier de Duns en échange d'argent, et le patron l'avait placé dans son secrétaire ouvert, expliqua Cyril. Il était allé dans une chambre de M. Lynn surveiller un emballage et il est resté absent une heure. À son retour, le billet était parti. Qui est-ce qui était dans le bureau? Personne autre que Halliburton. Il y a été tout le temps. Et personne n'est entré? S'écria M. D'Air. Personne, répondit Cyril en tendant son assiette pour avoir de la viande. Mais alors il me semble que c'est Halliburton qui l'a pris, s'écria M. D'Air. Cyril leva les yeux. Personne n'oserait s'aventurer à le suggérer à la manufacture. On dirait que Halliburton, comme les rois, ne peut rien faire de mal. M. Ashley le croit, M. Ashley les autres. Mais Cyril, si les faits sont tels que tu nous les racontes, Halliburton doit avoir pris ce billet. Peut-être l'a-t-on seulement changé de place. La caisse a été fouillée de fond en comble ce matin. On n'a rien découvert. Halliburton a l'air tout étonné, mais il ne paraît pas supposer qu'on puisse le soupçonner. Naturellement. M. Ashley compte remettre l'affaire aux mains de la justice, demanda M. D'Air. Il n'en a pas parlé. Il a interrogé ce matin les deux emballeurs séparément pour savoir s'ils avaient vu quelqu'un traverser la chambre et entrer dans la caisse. Il m'a aussi questionné, nous n'avons rien vu. Où étais-tu à ce moment-là, Cyril? Demanda M. D'Air. La question était incisive, mais M. D'Air aurait soupçonné toute la manufacture avant de songer à son fils. En lui faisant cette question, il se disait que Cyril avait vu le voleur et pouvait le faire découvrir. Ce serait un moyen d'entrer dans les bonnes grâces de M. Ashley. Je n'étais pas là, à ce qu'il paraît, répondit Cyril. Le violine s'était emparé de moi pour payer les ouvriers. Pendant que le billet disparaissait, j'étais agréablement occupé à compter des pièces de cuivre. Un des emballeurs est-il entré? Impossible. Ils ont été tout le temps sous les yeux de M. Ashley. Dis donc, Cyril, fit Madame D'Air. Est-il sûr que ce vieux quaker n'y est pas touché? Cyril éclata de rire. M. Ashley sera-t-il ce soir à la manufacture, Cyril? Demanda M. D'Air. Vous pourriez tout aussi bien me demander le temps qu'il fera, répliqua Cyril. M. Ashley vient quelquefois, mais nous ne le savons jamais d'avance. Il serait peut-être bien aise d'avoir une assistance légale, remarqua M. D'Air, qui manquait rarement d'avoir l'œil aux affaires. Le lecteur se souvient de la société réunie autour de la table quelques années auparavant. Le jour même où Herbert, n'appréciant pas l'excellence du mouton, s'était trouvé fort à plaindre. Deux personnes en étaient absentes, Julia et Mademoiselle Bennion. Julia s'était mariée et avait quitté l'Angleterre avec son mari, et Mademoiselle Bennion avait été remplacée par une gouvernante plus fashionable. Cette fashionable gouvernante s'appelait Mademoiselle Varsini, et la famille la désignait sous la dénomination de Mademoiselle. C'était une Italienne élevée en France et parlait le français avec autant de facilité que sa langue maternelle. Son teint olivâtre et ses yeux blancs au regard étrange, brillant comme du verre, attiraient l'attention. Ses cheveux d'un noir bleuâtre s'enroulaient autour de sa tête en traits innombrables. Ses lèvres minces indiquaient une grande fermeté de caractère. Grande et bien faite, elle était réellement jolie. Elle disait avoir 25 ans, mais on lui en donnait tantôt plus, tantôt moins. M. Dare n'avait jamais approuvé son engagement. Mme Dare avait lu une annonce dans les journaux et s'était décidée à la faire venir en dépit de ses certificats français dont elle ne comprenait pas un mot sur 10. Les scrupules de M. Dare n'étaient que pécuniaires. Les appointements étaient 2 200 francs par an, le double de ce que recevait Mlle Bannion, et il avait en ce moment de fortes dépenses sur les bras. À quoi une gouvernante servira-t-elle aux enfants, disait-il. Mais ces questions n'avaient produit aucune impression sur Mme Dare. La demoiselle avait été engagée, était arrivée à Helstonleigh, et M. Dare, qui se piquait d'être physionomiste, déclarait n'avoir pas encore pu la déchiffrer. « A-t-on fait quelque essai pour encaisser le biais ?» reprit M. Dare en s'adressant à Cyril. « Ashley n'en a pas parlé, » répondit Cyril. « Ce billet a disparu samedi soir après la fermeture de la banque. Aussi devait-on l'arrêter sans faute lundi matin. Le voleur ferait mieux de ne pas s'y frotter. » « Quelle serait la punition en Angleterre pour un crime pareil ?» demanda l'institutrice. « Le coupable serait transporté pour une période plus ou moins longue, » répondit M. Dare. « Ce que vous appelleriez les galères, mademoiselle, » expliqua Harbert. « Ah !» fit mademoiselle. M. Dare acheva la hâte son dîner et se leva. Il voulait aller trouver M. Ashley. Il avait l'espoir que l'investigation dont avait parlé Cyril conduirait cette affaire devant les tribunaux. M. Dare n'avait jamais passé pour un homme avide, mais les circonstances le faisaient changer de caractère. Ses dépenses étaient énormes, et parfois il ne savait à quel saint se vouer. Anthony, suivant son expression, lui suçait le sang. Herbert de même. Cyril commençait, et George ne tarderait pas à en faire autant. M. Dare en était donc venu par intérêt à s'occuper d'affaires qu'il aurait dédaignées quelques années auparavant. Il se dirigea du côté de la manufacture. M. Ashley s'y trouvait. Ils s'enfermèrent, et M. Ashley fit à M. Dare le récit de la perte du mandat. « Le jeune Halliburton est le voleur, » insinua-t-il. « Le billet n'a pu s'envoler tout seul, et lui seul s'en est approché. » En accusant William, M. Dare n'était influencé par aucun motif secret. Il tirait ses déductions des circonstances qui lui avaient été racontées. Le ressentiment qu'il avait jadis éprouvé contre les Halliburton s'était depuis longtemps effacé. Il ne les rencontrait pas sur sa route, aussi ne s'inquiétait-il nullement d'eux. Cyril, en parlant chez lui de William Halliburton, se laissait aller à des explosions de colère et de jalousie, mais M. Dare savait depuis longtemps ce que valaient les préjugés de ses fils. « Ce doit avoir été Halliburton, » répéta M. Dare. « Non, » dit M. Ashley, « il y a 4 personnes dans la manufacture dont je pourrais répondre comme de moi-même. James Macy et George Downs sont honnêtes comme le jour. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne s'est absenté. Les 2 autres sont Samuel Lynn et William Halliburton. Samuel Lynn est au-dessus des soupçons. Quant à William, depuis son enfance, j'ai l'œil sur lui et je l'ai toujours connu véridique et respectable. Je le crois, » acquiesça M. Dare. « Il me plaît à moi-même. Il a quelque chose de remarquablement franc. Naturellement, vous ferez officiellement sonder l'affaire. Je suis venu vous offrir mes services. Vous êtes bien bon. Mais avant de poursuivre, il faut que je me convainque que la disparition du billet n'a pas été causée par moi-même, par vous-même, » répéta M. Dare avec surprise. « Je ne le suppose pas, mais ce ne serait pas impossible. Je me rappelle avoir déchiré quelques papiers après avoir reçu le mandat, mais je n'affirmerai pas ne pas les avoir jetés au feu en allant de ma chambre à celle de M. Lynn, surveillant l'emballage. « Mais vous n'auriez pas déchiré un mandat, » s'écria M. Dare. « Certainement, pas avec intention. Je n'aurais fait que par étourderie. Non, je ne pousserai plus loin cette affaire que dans 1 jour ou 2. Mais pourquoi attendre? Si le billet a été volé, il a été changé dans la ville le même soir, ce qui se saura bientôt. J'attendrai. » M. Dare, ne pouvant faire changer d'idée à M. Ashley, quitta la manufacture et alla au poste de police causer à M. Delves, officier avec lequel il avait déjà eu affaire. Il exposa le cas devant lui et le pria de faire toutes les recherches possibles. « En secret, Delves, vous le savez, » dit-il en clignant de l'œil au sergent qu'il tenait par l'épaule. « Je ne mets pas en doute que le mandat n'ait été changé le même soir, probablement dans un café. Travaillez en secret, vous comprenez, et apportez-moi toutes les informations que vous pourrez obtenir. N'en parlez pas, Monsieur Ashley. » « Je comprends, » fit M. Delves. Gros homme à large poitrine, à figure rubiconde, et qui, dans son costume officiel, se croyait un personnage des plus imposants. et il comprenait, en effet. Fin du premier volume.